Parce que si vous voulez, l'année quand elle est pas bonne ou que les fourrages sont pas de bonne qualité, je vais pas chercher à filer plus de concentré pour compenser et faire le lait à tout prix quoi. Ben, elles font moins de lait, puis c'est tout. Parce que finalement, ce lait supplémentaire qu'on va faire, on l'achète. Ludovic travaille sur sa ferme à Montgaillard de Sally, où il élève des vaches laitières. Il accepte de produire moins pour mieux vivre. Comptablement, une fois, j'avais vu, ouais, ça fait un beau chiffre d'affaires, mais pour à la sortie, gagner 1000 euros de plus, quoi. Je croyais que c'était des aigrettes, mais j'ai un spécialiste dans la famille. Non, non, c'est des garde-bœufs. Bon. Mais c'est, oui, ils portent bien leur nom, hein, garde-bœufs. Ils se posent sur les buffles et puis ils les nettoient, quoi. De toute façon, l'agriculture, il faut se dire que depuis des siècles, ça a été comme ça. Il y a eu des bonnes années, il y en a eu des mauvaises. Des crises. Ben là, on est toujours en crise. Depuis que je me suis installé, presque, on entend parler toujours de crise, toujours. Bon, on travaille en fonction. En fait, c'est même pas pour moi, je sens pas comme si c'était une crise. Pour moi, c'est la situation, elle est comme ça, quoi. Après, on investit, on s'adapte en fonction des cours comme ils sont aujourd'hui, mais quand même, ça fait 20 ans que je suis installé quand même. Ouais, je sens quand même, je suis arrivé dans un rythme de croisière, donc. Ouais, mais c'est quand même une réflexion, je ne suis pas encore là, mais peut-être faire moins, quitte à gagner moins, c'est payer quelque part moins d'MSA et avoir plus de temps libre. Oui, c'est le rapport que tu disais finalement, où tu as choisi à un moment de produire moins. Finalement, de Ben continuer oui. cette démarche-là, dire au bout d'un moment, mon investissement personnel, il est quelque part, il est Oui, plus rentable. et oui, Vaut parce mieux gagner que. moins et vivre mieux, quoi. J'ai démarré là-dedans, je ne voulais pas du tout être ni chef d'entreprise, ni. Je voulais faire de l'agriculture biologique pour préserver la planète. Enfin, j'étais cuicui les petits oiseaux hein, quand j'ai démarré. Valérie est adhérente de la FOG Haute-Garonne. Elle élève des brebis en agriculture biologique. Elle a suivi la formation, clarifié sa relation à l'argent pour mieux le maîtriser dans sa vie professionnelle. Donc, en fait, j'ai un petit peu écouté les vieux autour de chez moi pour m'installer. Ils m'ont dit, bon, voici, sur la plaine, à part du mouton ou de la chèvre. Donc, j'ai fait du mouton. Voilà, donc, en fait, je me suis installée là. Évidemment, c'était plus par passion que pour gagner de l'argent. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même s'en occuper de l'argent. Et je vais peut-être un peu anticiper, mais quand j'ai vu clarifier son rapport à l'argent sur la formation, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'en ai besoin parce que je fais tout en vente directe, les agneaux. Donc au début, fixer des prix, j'ai essayé de téléphoner, j'ai essayé de faire des trucs, parce que vraiment, moi, chez moi, on ne parlait jamais d'argent. C'était un truc, il n'y avait pas besoin, quoi. Donc ça a été très difficile. Alors, on s'aligne sur quoi? Alors, s'il fallait que je gagne de l'argent, je trouvais que je vendais mon agneau hors de prix. Enfin, j'aurais pas pu m'acheter l'agneau. Enfin, c'est vraiment. Et oui, donc cette formation, elle m'a vraiment aidée à relativiser par rapport au contexte culturel. Justement, ça a été vraiment très facile et puis très facilitateur. Ah oui, en plus, je me suis installée toute seule. Je suis une femme. Donc, chaque fois que j'achetais un truc, j'avais toujours l'impression qu'on m'arnaquait, quoi. Et en plus, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage pour vous dire, ah, tu t'es fait avoir. Bon, alors ça m'énerve. Et cette formation, elle permet plus de s'asseoir, de bien réfléchir sur ce qu'on fait, ce qu'on vend et pourquoi on le fait à ce prix-là. Finalement, c'est pas si simple que ça. Ça vaut ça et puis c'est tout. Si je le vends à un ami, eh ben, bien sûr que je peux faire un prix, quoi. Mais si je fais des prix à tous mes amis, je gagne plus d'argent, quoi. Mais ça m'a permis plus d'assouplir, comment expliquer, d'assouplir un peu mon rapport à un prix fixé, quoi. C'est-à-dire que, bon, ben oui, ben, de faire à la tête du client, on a le droit. Je sais depuis le début qu'on a le droit. Ça m'a vraiment beaucoup gêné. Et puis finalement, ben, bien sûr que je fais un prix à l'éleveur local d'à côté, c'est normal par rapport à l'ingénieur de l'aérospatial. Moi, je suis pas mal placé pour ça. Et d'ailleurs, je pense que je dois avoir des prix plus élevés que les éleveurs mais, qui vendent de la même viande que moi, qui sont ici. Hein. Vous avez la cité de Saint-Lizier. Saint-Lizier, donc vous voyez, c'est dominé par le palais des évêques du 14e siècle. Et en face, normalement, il y a les pics enneigés des Pyrénées. Je ne sais pas si on les voit.